Conte de fées en français. Le rossignol bien-aimé. Cette histoire est celle d'une époque où la Chine était gouvernée par des rois. Ce roi avait un beau palais et l'emplacement le plus magnifique du palais était son jardin magnifique où se trouvaient des fleurs de toutes sortes. Certaines de ces fleurs n'ont été trouvées que dans ce jardin et nulle part ailleurs dans le monde. Le jardinier pouvait y attacher de minuscules cloches. Le jardin était si vaste que si vous le regardez complètement, vous verriez qu'il menait à la forêt. Une rivière coulait dans cette forêt. Et à côté de la rivière, se trouvait un arbre qui abritait un rossignol. Le rossignol chantait si doucement que quiconque l'entendait était fasciné. Ce royaume était si célèbre que des gens de pays lointains venaient le visiter. Les écrivains écrirent des livres sur le royaume et dans tous les livres, ils parlaient du rossignol et de ses chansons. Un jour, le roi lui-même lisait un de ses livres. Quand il lut le passage sur le rossignol, il était perdu dans ses pensées. « De quel rossignol sont-ils en train de parler? Je ne vois pas de qui ils parlent. » Il appela son premier ministre. « Mon cher ministre, mais qu'est-ce que je lis là? Il y a un oiseau dans notre royaume appelé rossignol et qui chante si magnifiquement qu'il est décrit comme la créature la plus belle de tout notre royaume. Comment ça se fait que nous n'en avons jamais entendu parler? Votre Altesse, je n'ai jamais entendu parler d'un tel oiseau. Ok, trouve-le et demande-lui de venir chanter pour moi dans la cour de mon royaume ce soir. Comme vous voudrez, Votre Altesse. Le premier ministre se précipita dès qu'il entendit l'ordre du roi. En haut et en bas, à gauche et à droite, il demanda à toutes les personnes qu'il avait rencontrées dans le palais, mais personne n'avait entendu parler du rossignol. Il revint parler au roi une fois de plus. Votre Altesse, il est tout à fait possible que les auteurs aient écrit sur l'oiseau comme le fruit de leur imagination, et qu'en réalité, il pourrait ne pas y en avoir du tout. Non, le roi du Japon m'a envoyé ce livre. Ce que dit ce livre ne peut être un mensonge. Je veux entendre le rossignol chanter. Apportez-le devant moi ce soir. Sinon, le royaume entier devra subir un châtiment. Le premier ministre n'avait pas d'autre alternative. Il continua de demander à tout le monde où se trouvait ce rossignol. Et enfin, il rencontra une petite fille. Le rossignol? Oui, je l'ai déjà vu. Et je l'ai déjà entendu chanter. Il habite près de la rivière. Écoute-moi, si tu m'amènes jusqu'au rossignol, je t'obtiendrai une récompense. Dans un premier temps, le ministre partit avec la fille jusque dans la forêt. Et dans un deuxième temps, il envoya un message au roi pour lui dire qu'il avait trouvé le rossignol. Tous deux atteignirent la partie de la forêt où le rossignol chantait habituellement. Le rossignol commença sa chanson. La petite fille dit « Tu vois, regarde là-bas, c'est l'oiseau dont je t'ai parlé !» Le ministre n'entendait pas ce que la petite fille disait. Il était fasciné par la chanson du rossignol. « Tu as entendu ça? On peut oublier tous nos soucis en écoutant ces chansons. » Je n'ai jamais entendu une chanson aussi douce. Crois-moi, le roi sera enchanté lorsqu'il l'entendra. Mon bien-aimé rossignol, viens au palais. Le roi veut t'entendre chanter. C'est un honneur pour moi d'être invité par le roi. Alors j'accepte avec plaisir. Prenant le rossignol avec eux, ils se dirigèrent vers le palais. Le palais avait été magnifiquement décoré et brillait de mille feux. Le roi était assis sur son trône. Tous les courtisans et les nobles étaient présents. Un support doré avait été placé spécialement pour le rossignol. Le rossignol grimpa dessus et commença à chanter. Sa chanson était si envoûtante que le roi fut ému aux larmes. Je veux que ma bague en or soit suspendue au cou du rossignol. Non, Votre Altesse, je ne veux rien du tout, croyez-moi. Vous aimez ma chanson et ça, c'est ma récompense. Le roi ordonna au rossignol de rester dans le palais. Une cage dorée fut construite pour lui. le rossignol était autorisé à voler 2 fois par jour et 1 fois par nuit. 12 soldats l'accompagnaient et lui nouaient un ruban rouge autour du cou. Le rossignol détestait voler comme ça. Cela continua pendant des semaines. Un jour, quelqu'un envoya au roi une boîte sur laquelle était gravé le mot « rossignol ». Cela doit sûrement être un nouveau livre sur le rossignol. Mais il n'y avait pas de livre dans la boîte. La boîte avait un faux rossignol parsemé de diamants et de pierres précieuses. Et lorsque l'on tirait, il chantait comme un vrai rossignol. Un ruban pendait à son cou, sur lequel était écrit « Ce rossignol appartenant au roi du Japon ne possède aucun mérite devant le rossignol appartenant au roi de Chine. » Tout le monde était ravi de voir le rossignol artificiel. Quel beau cadeau! Allez, nous devons les faire chanter ensemble! Les 2 rossignols étaient faits pour chanter ensemble, mais leur chant combiné n'était pas très agréable, car le vrai rossignol chantait tout ce qu'il pouvait ressentir, mais le faux rossignol ne connaissait que les chansons qui y avaient été préenregistrées. Ce n'est pas la faute du faux rossignol. Il chante simplement ce qu'on lui a appris à chanter. Alors, on fit seulement chanter le rossignol artificiel. Sa façon de chanter ressemblait au vrai rossignol. Et à cause de ses diamants scintillants, il avait l'air majestueux. Le rossignol artificiel chanta de nombreuses chansons. Quelque temps plus tard, le roi dit qu'il souhaitait maintenant entendre le véritable rossignol. Où est passé le rossignol? Quelqu'un l'a-t-il vu s'envoler? Comment est-il possible que personne ne sache où il est allé? Il semble pourtant qu'il ait quitté le palais. Tout le monde dans la cour était heureux d'avoir le rossignol artificiel, qu'ils écoutaient encore et encore, et qui chantaient tout ce qu'ils désiraient. Ce rossignol est si magnifique! Et il chante si bien! En le regardant, personne ne peut se dire que c'est un rossignol artificiel. Nous sommes ravis de ce cadeau du roi du Japon. Ministre, organisez un concert dimanche prochain. Je souhaite que tout le royaume entende les 12 chansons de ce rossignol. À vos ordres, votre Altesse. Le lendemain, le concert du rossignol était organisé. Tout le monde adora, mais certains d'entre eux avaient également entendu chanter le véritable rossignol. C'est beau, mais ce n'est pas aussi beau que ce que chante le vrai rossignol. Quand le vrai chante, on est ému aux larmes. Bravo, c'est magnifique! Peu importe combien de fois j'entends cette chanson, je veux toujours l'écouter. Le rossignol artificiel était placé dans la chambre du roi sur son lit. Le roi écoutait ses chansons avant de se coucher et il lui avait donné le nom de « le chanteur royal ». Ce titre était cousu sur un ruban et noué au cou. Et depuis, des livres furent également publiés sur le rossignol artificiel. Sa renommée se répandait partout. Au bout d'un an, le roi et ses courtisans avaient mémorisé une de ses chansons. Dès que le début de la chanson commençait, les gens se mettaient à chanter avec eux. Mais une nuit, alors que le rossignol artificiel chantait pour le roi, on entendit quelque chose se briser à l'intérieur. Le lendemain matin, le roi l'envoya en réparation chez un horloger. Votre Altesse, j'ai examiné cette machine à fond. En chantant trop et trop souvent, les fils et les connexions qu'il contient ont cassé. Et si je tente de le réparer, il risque de perdre ses mélodies. J'ai le regret de vous informer qu'il ne pourra plus jamais chanter. En entendant cela, le royaume tout entier fut plongé dans le désespoir, car le rossignol était une source de divertissement pour tout le monde. 5 ans passèrent. Le roi tomba malade et sa santé se détériora. Les habitants du royaume priaient tous les jours pour le rétablissement du roi. Votre Altesse, allez-vous s'il vous plaît prendre quelque chose? Que puis-je vous apporter? Dites-moi! Le roi ne dit rien. Il devenait plus faible et il semblait qu'il ne pourrait pas être sauvé. Il avait du mal à respirer. Il ne se souvenait de rien, sauf... Chante. Chante, mon rossignol adoré. Chante. Chante. Je t'ai tellement récompensé. Tu ne peux pas me faire ça. Chante. Chante. Mais le rossignol ne bougea pas. À ce moment-là, le roi entendit soudain chanter de la fenêtre. Une lueur d'espoir et de bonheur se répandit sur le visage du roi. Peu de temps après, le roi pensa avoir aperçu un oiseau à la fenêtre. Il essaya d'ouvrir les yeux et vit que le véritable rossignol était perché à la fenêtre. Il chantait. Oh, tu es revenu! Chante! Chante, mon bien-aimé rossignol! Le rossignol chanta là pendant un petit moment. Le bonheur du roi augmentait avec chaque note. Et il semblait que sa volonté de vivre se réanimait lentement. Merci. Merci beaucoup, mon rossignol bien-aimé. Merci. Pourquoi m'as-tu quitté? Mais aujourd'hui, en revenant, tu m'as ramené à la vie aussi. Comment puis-je te remercier? Votre Altesse, vous m'avez déjà récompensé, vous savez. Je me souviens que lorsque j'ai chanté devant vous pour la première fois, vous étiez ému aux larmes. Que peut être une plus grande récompense pour un artiste? Le rossignol chanta une autre chanson, et en l'écoutant, le roi s'endormit. En le regardant dormir profondément, on aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis une éternité. Le lendemain matin, quand le roi se réveilla, les rayons du soleil passaient à travers la fenêtre. Le rossignol était perché à côté de lui et le roi paraissait beaucoup mieux qu'avant. Reste avec moi pour toujours, mon rossignol bien-aimé. Chante seulement quand tu te sens inspiré de chanter. Je ne te forcerai plus jamais. Non, Votre Altesse, je ne peux pas vivre dans le palais. Chaque fois que j'aurai envie de vous voir, je viendrai. Je construirai un nid à proximité et, quand vous aurez besoin de moi, je volerai vers vous et chanterai pour vous. À travers mes chansons, je vais absolument tout vous dire sur le royaume. Mais vous devez me promettre quelque chose. Bien sûr! Dis-moi et je ferai tout ce que tu désires. Personne ne doit savoir que je viens vous raconter des choses sur votre royaume. Absolument personne! D'accord, j'accepte. En disant cela, le rossignol s'envola et le roi se rendit compte qu'il ne fallait pas enfermer et emprisonner des oiseaux. Eux aussi ont le droit de vivre à leur guise. Personne n'est autorisé à asservir qui que ce soit. Et les oiseaux sont plus beaux quand ils volent librement et qu'ils chantent dans les arbres et les forêts. C'est là que se trouve leur véritable foyer. Et non dans les palais ou à l'intérieur des quatre murs des habitations humaines. Quelque temps après, quand le ministre vint voir le roi, il s'aperçut que celui-ci n'était pas allongé sur son lit, mais se tenait plutôt près de la fenêtre en souriant. Le premier ministre se précipita pour annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde, et le royaume tout entier fut réjoui.